aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et aujourd'hui, je suis avec Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour. Et je suis aussi avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Jade. J'espère que vous êtes bien installé dans votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui, on va parler de microbes, de mitochondries, de comme vous voulez l'appeler, mais aussi de souvenirs de meurtres, de trains et de cochons. Aujourd'hui, on parle de parasites et de Bong Joon-ho. Yo, Wichib, Azumma, IP time. Wi-Fi, go. Gengigo. Oh. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 축하합니다. 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 이거 이거 없으셔도. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐. 아이씨 죽을래. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거구나. 야, 이 기정이의 수석이 봐야겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. Réalisé par Bong Joon-ho, dont c'est le 7e long-métrage, mais sa 12e réalisation si on compte ses courts-métrages, scénarisé par Bong Joon-ho et Han Jin-woon, avec un casting de plein de gens très talentueux dont je vais probablement très mal prononcer les noms, Song Kang-ho, Lee Sun-kyu, Cho Yeo-jong, Jang Ye-jin, Choi Woo-shik, Park So-dam et tant d'autres, et évidemment la Palme d'Or à l'unanimité de 2019, et premier film coréen à remporter la palme, donc déjà bravo. Bravo Bong. Bonjour. Alors, Parasite, qu'est-ce que ça raconte? Qui veut me résumer, me faire un très joli résumé de Parasite? Alors... Victor, t'as l'air chaud. Non, mais alors, résumé... Avec ce râle. J'avoue. Alors, résumé Parasite, c'est une chose bien compliquée, parce que c'est le genre de film où il ne faut pas en dire... On ne spoilera pas. Il ne faut pas en dire le plus, on ne spoilera pas, vous inquiétez pas. Bah, il faut dire quand pitch. Même, grosso modo, le point de départ, bah. C'est on suit une famille. C'est Amaury qui raconte. Tu dis, je ne vais pas trop raconter, donc je vais vous en raconter, mais le minimum syndical, quoi. On suit une famille de gens qui vivent dans une situation plus que précaire et qui enchaînent les petits boulots pourris. Notamment plier des cartons de pizza. Voilà. Je sais pas que c'est un job. Et mais bon. Qui, d'arnaque en fraude, vont réussir à s'infiltrer dans une famille de gens beaucoup plus riches. Les parcs. En tant que babysitter, prof, chauffeur, gouvernante. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ouais. Et va s'en suivre multiples péripéties parce que sinon c'est juste chiant s'il se passe juste ça. Mais on peut pas en dire plus. C'est l'histoire d'un choc des cultures et surtout un choc des classes. Oui, voilà. Et puis il y a un peu une histoire aussi de homejacking, sans trop en dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Parasite Palme d'Or 2019, Victor? Bah, c'était charmé, c'était mortel. Mais l'un des tout meilleurs films de l'année. Très belle Palme d'Or complètement accessible depuis ce qu'on n'a pas eu depuis... plusieurs années quand même. La vie d'Adèle. À mes yeux, je suis pas d'accord, à mes yeux, meilleure Palme d'Or. J'ai pas vu toutes les Palmes d'Or, mais franchement, la meilleure depuis très longtemps. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur... qu'est-ce que j'ai pensé de Parasite? Ben voilà, tout simplement, probablement l'œuvre la plus renversante que j'ai vue cette année. J'en ai parlé pendant les rattrapages du mois de mai, mais j'avais été bouleversé par le film d'Almodovar, Douleur et Gloire à Cannes, et je l'avais aussi mis au haut du panier, mais là, Parasite... Voilà, si je voulais que Pedro, il ait la palme, c'est au final très bien que Bong Joon-ho l'ait eu. C'est un film qui, je trouve, est extrêmement simple à suivre, en fait. En apparence, c'est très très simple. C'est d'une fluidité dans la narration où on est tout de suite captivé par ce qui se passe, en fait. On s'amuse à suivre le processus de cette famille qui va arnaquer, qui va s'infiltrer chez cette famille bourgeoise par des petites astuces, par des filouteries, comme disent les jeunes. Filoutage. Pour plaire, enfin pour s'infiltrer chez cette famille de classe sociale plus élevée. Des riches, quoi. Des, oui, des clairement riches. Des riches. Ils ont une maison de et... ouf, designée par un architecte de folie et tout. Je sais plus dire son nom, mais j'ai oublié. Et voilà, quoi. C'est un film où qui est simple en apparence, mais qui pourtant est extrêmement vénère et très complexe dans sa lecture du film, sur la lutte qu'il raconte. C'est vraiment. Il laisse vraiment le public et ses personnages dans une impasse. Dans cette lutte, hein, et c'est ce que façon a toujours fait Bong Joon-ho dans ses films. Dans Snowpiercer, c'était aussi ça. Memories of Murder, pareil. Dans Snowpiercer, c'est clairement lutte des classes. Enfin, tu vois, c'est même pas en sous-texte, quoi. C'est le surtexte. Dans Okja, c'était aussi quelque chose de très vénère. C'était les vegans contre les. Ouais, l'écologie, tout ça. C'était les vegans contre les grandes entreprises. Monsanto, voilà, hein, voilà, j'ai pas peur de le dire, ça, moi, j'ai pas peur. Prends ça dans les dents, Monsanto, voilà. Et donc là, Parasite, je suis vraiment content que ce film ait eu la Palme d'Or, parce qu'il a, grâce à ça, et grâce au couf aussi, à donner dire chapeau aux distributeurs, à The Jokers, qui ont sorti le film directement après la Palme d'Or, parce que faut savoir que la Argentine, une Palme d'Or, ça sort. Longtemps. Ça sort l'automne-hiver en fait. Bah, aux États-Unis, il sort en octobre. Voilà, en Belgique, il sort en décembre. Ah ouais, quand même. Putain. Donc, alors c'est juste à côté, hein. C'est la porte à et côté. Et là, quand on voit que le film, déjà, en même pas 2 semaines, il fait 316 842 entrées. Ouais, mais c'est un putain de succès. Moi, ma salle était presque pleine. Alors que j'étais en semaine, même pas un mercredi après, mais. C'est fou, un film moi, coréen ma ma séance était pleine à craquer aussi, ça, et dans la salle. C'est ça aussi que je trouve formidable avec le cinéma de Bong Joon-ho, c'est que c'est des films qui sont c'est des messages très vénères. Et à Cannes, par exemple, tu vois, t'as Ken Loach, il peut aussi te faire un message très vénère, sauf que Ken Loach, c'est pas un cinéaste, alors que Bong Joon-ho aussi. Et... c'est beaucoup moins rigolo aussi. Que... et oui, ouais, c'est beaucoup moins fun. C'est beaucoup moins divertissant parce que même si il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il sait se montrer subtil. D'allier un divertissement qui est super fun, qui mélange tous les tons. Il y a du thriller, il y a de la comédie, il y a du drame. C'est et il va te pour tout ça au service d'un message social qui est ultra vénère et qui te met en colère en fait. T'en sors vraiment en pour le coup, t'en sors vraiment en colère et t'es pas en colère. Voilà, je vais encore attaquer ce cher Ken Loach, mais c'est qui pas. Qui fait des bisous. Hein. C'est pas. Ouais. Non. je le connais pas personnellement. C'est pas un cinéaste qui te. C'est pas. Là où d'habitude tu peux facilement être en colère contre le film et non contre le propos du film qu'il a. Enfin, non contre ce que le film dénonce. Ouais. Là, t'es vraiment en colère pour ce que tu vois en fait. Ouais, c'est pour ce que ouais. t'apprends. C'est. T'as... Tu dis putain, il faut faire quelque chose. C'est horrible en fait ce système qui se ces gens qui se cannibalisent entre eux comme une loi du plus fort en fait et c'est mais ça c'est la vie mon cher Victor Amaury, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un chef-d'œuvre hein. Allez on balance oui, le bah mot oui, on, comme le ça, mot est dit voilà le mot est dit Galvaudé qui est chef-d'œuvre on peut dire. Moi c'est le film de Bong Joon-ho que j'ai préféré même si j'ai pas tout vu. Et voilà, bah Victor a tout à fait raison. C'est au premier degré, c'est un divertissement qui est quand même chamé en termes de comédie. Enfin, on rigole tout du long ouais, et en termes de thriller parce que le film bascule vers le thriller en son milieu. C'est vraiment d'un suspense haletant. Mais d'ailleurs, vous parlez de divertissement et je disais que ma salle était quasi pleine, mais enfin, c'est d'autant plus cool et en même temps surprenant que c'est un film en langue coréenne. Ouais. Alors que un de ses plus grands succès, on va dire, public, c'était Snowpiercer, qui était un film américain en américain et tout. Là, c'est un film coréen en Corée avec des acteurs coréens et tout. Et c'est fou. Totalement. C'est trop bien. Et moi, j'espère vraiment un truc, c'est que grâce à ça et grâce à ceci, les distributeurs vont enfin comprendre qu'il y a un marché. Ailleurs qu'en Occident, quoi. Alors, ouais, totalement. Et que on pourrait distribuer à la chaîne. Tout des tas de blockbusters coréens, sud-coréens qui débarquent et ce serait vraiment mortel. Là, bientôt, on a The Gangster, The Cop and The Devil qui va sortir chez Metropolitan. J'espère vraiment qu'il va y avoir une distribution aussi large qu'a pu avoir Parasite, parce que ça a l'air tout aussi, ça a l'air complètement ouais. fun. Après, c'est pas une palme d'or, hein. Faut pas. Bah, il a été en sens de minuit à oui. Cannes. Moi, j'ai juste et hâte. Et Buzan. Que... Oui, c'est... bah, il était à Cannes aussi, non? Ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, j'ai juste hâte qu'on distribue en France des gros blockbusters Bollywood. Amaury, pardon, tu peux aller au Kinépolis, tu peux aller au Kinépolis, pour ça, ils en passent beaucoup. Hein. Eh ben, j'irai. Merci du instant conseil. Pub, instant pub, Kinépolis. Amaury. Oui, donc voilà, outre le côté très divertissant, bah, d'un point de vue social, c'est... Ouais, comme tu disais, c'est hyper vénère, en fait. On sait qu'en Corée du Sud, le fossé entre les riches et les pauvres, il est énorme. Mmh. Soit t'as des gens qui sont hyper pauvres, soit t'as des gens qui sont hyper riches. Et comment le film retranscrit ce choc social, c'est hyper intéressant, quoi. Et la réponse à tout ça, ça finit par être la violence, forcément. Hein. On sait tous où est-ce que ça va mener. L'intérêt, c'est de voir Je pensais comment... que ça allait se finir sur des câlins, moi. Ils allaient faire la paix. Ouais. Oh, bah écoute, je te comprends. Allez, viens là. Et puis... À l'inverse de Snowpiercer, où il filmait la lutte des classes de manière horizontale, par des travelling latéraux sur la longueur du train, là il revient à un truc plus classique, plus Metropolis ou Titanic, si on veut, qui est vertical, quoi. Et je trouve hyper intéressant la manière dont géographiquement il situe les deux maisons des deux familles respectives. Donc les pauvres, ils habitent dans un sous-sol pourri où les toilettes, ils sont au-dessus de la baignoire et tout, près ouais, de la fenêtre et tout, qui donne super sur mal le trottoir. Agencé. Et il y a des inondations, leur maison est inondée, c'est un capharnaüm. La métaphore du sous-sol, elle est ouais. ultra présente dans bah, le film. Et même, voilà, tu dis les chiottes qui sont au-dessus de la baignoire, genre c'est trop mal agencé et tout, alors que t'arrives dans la maison des riches, direct, le premier ils truc qu'ils disent, c'est un putain de designer architecte trop connu qui a fait un putain de taf, il a vécu dans cette maison et tout. Enfin, tu vois, il y a vraiment, même là-dedans, il y a une grosse différence, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est que Bong Joon-ho, il va filmer le chemin. Le parcours qu'il y a à faire entre ces deux maisons. Donc, c'est des escaliers, des routes qui se superposent et tout. Ouais. On sait que leur maison, elle est tout en haut de tout. Et ce que tu disais sur le sous-sol et tout, hein, c'est la métaphore du film, en fait. C'est ces parasites, c'est ces petites bestioles qui sont là entre nos pattes et, ouais. et qui sont en dessous de nous, quoi. Et qui infiltrent et tout. Et c'est ça qui est. On parle d'une famille qui d'arnaque en arnaque arrive à infiltrer de manière malhonnête. Et parce qu'ils n'ont pas le choix, surtout. Parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils essayent de s'en sortir. Et toi, j'attends à penser quoi? Ah bah, vous avez tout dit, c'est 10 sur 10, c'est génial. C'est 11 sur 10 plutôt même. Ouais, c'est 20 sur 10. C'est exceptionnellement bien mis en scène, la réalisation, et je dis ça tout le temps à chaque fois que j'aime bien un film parce que j'ai pas d'autre vocabulaire. Et parce que dans Salle 5 Place 42, on passe que des films qu'on aime aussi. Bah aussi, surtout parce que c'est nous qui choisissons. Non, mais c'est exceptionnellement bien mis en scène. C'est, tu le disais, on voit pas le temps passer, c'est super bien rythmé. J'avais peur de peut-être me faire un peu chier par moment et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Tu vois pas le temps passer, tu ressens toutes les émotions, tu rigoles, tu pleures. Pour l'anecdote, il y avait un gars à côté de moi dans le ciné qui était encore plus émotif que moi devant un film, donc c'est un truc très compliqué, et qui a pleuré, mais genre, il a ri, il a pleuré, mais si fort. C'est fou. Et puis il y a tous les... Un peu comme dans toute la filmographie de Bong Joon-ho, il y a tous les genres et tous les registres un peu mélangés. Il y a du drame, il y a de la comédie, il y a limite un peu d'horreur. Il y a un moment où ça bascule dans le fantastico, glauque, chelou. Et d'ailleurs, qui m'a mis sur le cul à ce moment. Je m'attendais, sans spoiler, ce n'est pas un spoiler, mais je m'y attendais vraiment pas. J'étais... j'étais vraiment sur le cul. Au-delà de dire que c'est une critique sociale, blablabla et tout, que vous avez si bien dit, et je vous en remercie, et qui est très vrai, c'est aussi super touchant sur la façon dont, les deux façons dont on voit la famille, en fait. Tu vois la famille des pauvres qui soutiennent à mort dans leurs problèmes, dans leurs arnaques, entre guillemets, parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils s'aiment super fort et tout. Et tu vois les riches qui sont un peu plus... qui s'aiment moins, mais qui sont plus moins superficiels, plus éloignés, tu vois. Et plus éloignés. Ouais, voilà, ils montrent moins... il le montre moins, il le montre d'autres façons en fait. Genre la mère, elle va tout faire pour ses enfants, mais c'est très superficiel. Genre elle va leur payer les trucs les plus chers, leur payer les meilleurs cours, aller en week-end. Ouais, voilà. Aller en week-end pour son anniversaire. Enfin, c'est deux façons super différentes de voir la famille et tout aussi touchantes, je trouve. Mais c'est pas manichéen personnages... pour autant. Non, voilà. Il y a cependant une bienveillance. C'est chez, ça, c'est... chez les deux sont super touchants. Tandis que chez les pauvres, il y a beaucoup d'immoralité, en fait. Oui, envers les autres, mais pas envers eux-mêmes. Et moi, ça m'a rappelé... c'est d'ailleurs très drôle que Parasite ait eu la Palme d'Or cette année. L'année dernière, c'était Une Affaire de Famille d'Hirokazu Koreeda qui a eu la Palme d'Or, donc Palme d'Or japonaise. Et là aussi, on a droit à une histoire de famille complètement marginale, criminelle. On parle quand même d'une famille qui kidnappe une petite fille pour l'élever parce qu'il la recueille au final. Qui la recueille chez elle parce qu'il voit très bien que chez ses parents c'est pas bien du tout. Et on les voit dans les arnaques, et on les voit tous dans leurs arnaques, dans leurs petites combines. Et il y a pourtant quelque chose de très soudé dans chacun d'eux et dans la famille, justement, qu'on présente dans Parasite. J'ai retrouvé de ça et ça m'avait beaucoup touché aussi. Enfin, Sang Kang-ho, il est complètement. Oui, le père pauvre, là, il est. De toute façon, c'est un acteur oufissime, mais même les riches, Jean-Pierre Reichmann et Jean-Luc Reichmann. Monsieur Park et Marie-Francine Rich, là, sa femme, ils sont. Le père, il est jamais là, tu sais, ils sont. C'est vraiment un peu les clichés des riches, mais en même temps, tu vois qu'ils ont beaucoup d'amour pour leur famille, juste ils le montrent d'une autre façon, et c'est pour ça. Sont avec des fêtes d'anniversaire traditionnelles. Ça tourne mal. Ouais. Donc, par contre, un truc peut-être pas négatif, mais juste un truc qui... Qu'est-ce que ça fout là ? C'est le pote du frère pauvre, là, qui lui donne le tip de... Il y a cette famille de riches qui cherche un prof d'anglais et tout... Et qui dit, par contre, pas touche à la fille, donc la fille à qui il va donner des cours d'anglais, parce que je l'aime, je me marie avec et tout, blablabla. Le fils, frère pauvre, il va aller dans cette famille et tout, et puis le pote, on n'entend plus parler de tout le film, et il y a toute une espèce de parallèle entre donc, le pote et le frère qui va donner des cours d'anglais à la fille, mais ça revient jamais, ça revient une fois en une phrase, et je trouve que ça aurait été intéressant peut-être qu'il ait un plus grand intérêt, qu'il soit pas juste un deus ex machina. Je pense que ça aurait déjà, le film dure 2h12. Oui, non, mais enfin qu'il soit plus ancré dans l'histoire, parce que là, ça n'a pas de sens. Non, je pense que... Eh ben, écoute... Je me suis posé la question aussi. Eh ben, si. Eh ben, j'ai raison, Victor. Arrête de me contredire. Non, mais... je me suis posé cette question, et après, en fait, je me suis juste dit un truc tout bête, hein, ça peut être un argument, non, t'as tout à fait le droit de me contredire, mais c'est peut-être... c'est un personnage qui part faire son service, ou un truc comme ça, ou il part en voyage. Oui, mais justement... C'est con de l'avoir fait ça, parce que enfin c'est pas con, mais je veux dire c'est juste un outil de narratif, quoi, mec. Et mais le truc avec la fille, sans, je veux pas dire vraiment voilà, on va pas spoiler, mais c'est la phrase que le mec dit, pourquoi il l'a dit, parce que du coup ça n'a pas d'impact dans le film après. On en reparlera en off si tu veux, bref, ce petit détail. C'est un petit point de détail. Parce que ça revient pas. Oui, non, ça va pas déranger. Wow. Jean-Marie Le Pen sort de ce corps. Non, je ne voulais pas citer. Je pensais pas parler de. Je ne pensais pas parler de Jean-Marie Le Pen. Merci, Amaury. Mais oui, donc c'est vraiment ça n'impacte en aucun cas la qualité du film. Mais j'y repense après, je me suis dit. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça foutait là ? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur Parasite ? Moi, j'ai adoré la métaphore de l'odeur. Il y a une idée géniale de Bong Joon-ho dans ce film. C'est le cliché de l'odeur du pauvre, quoi. Pendant plusieurs moments dans le film, les personnages riches vont se plaindre ou vont s'interroger sur l'odeur des employés qu'ils ont chez eux. Ouais. Mais tu trouves pas que ça sent une odeur ? Mais ça sent comme les gens dans le métro et tout. Et phrase. Et ce, pour paraphraser Victor, ce point de détail. A une importance, mais considérable, et jouissive dans le film que voilà, je vous invite à découvrir en salle. Ouais. Quoi. Moi, j'ai juste envie d'ajouter que le tournage, il a duré 77 jours. Il a été tourné aux Aqua Studios de Goyang. Il y a et... des piscines. Bah, j'espère. J'espère qu'ils ont tourné ça dans une piscine à vagues même. Et que, apparemment, Bong Joon-ho est un super bon gars. Et je vais utiliser ça pour faire une magnifique transition vers la deuxième partie. Mais apparemment, c'est un super bon gars qui fait super attention à travailler dans les règles, à pas surexploiter l'équipe et notamment les enfants acteurs, parce qu'il y a des enfants dans ce film. Et l'acteur principal, Song Kang-ho. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée sur son prénom. L'acteur principal a même dit qu'ils ont travaillé dans un environnement très joyeux. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'aime bien Bong Joon-ho. D'ailleurs, pourquoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Eh ben on va le voir tout de suite. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Bong Joon-ho, c'est un réalisateur et un scénariste, ça on l'avait compris, sud-coréen de 49 ans, qui a grandi dans une famille avec une éducation assez intello, parce que son père est graphic designer, son grand-père c'est un auteur super connu en Corée du Sud, je crois que sa sœur elle travaille dans la mode, enfin bref, ils sont assez intello, artistes, créatifs quoi. Déjà au collège, il voulait faire des films, mais ses parents, bah, ils sont pas super chaud malgré les travaux, les jobs qu'ils font, et du coup il le pousse à aller étudier la sociologie à la fac, mais lui après ses années de socio à la fac, il en a rien à foutre et il va faire 2 ans à la Korean Academy of Film Arts où il va faire ses premiers films, c'est des courts-métrages entre 94 et 95, dont White Man, Memory Within the Frame et Incohérence, les deux derniers qui d'ailleurs vont aller à des festivals. Mot qui n'existe pas, festivals internationaux de Hong Kong et de Vancouver, donc il va déjà commencer à se faire remarquer. Après, ben, il va travailler en mode assistant réal, il va écrire sur des films d'autres gens et tout, et en 2000, il réalise enfin son premier long métrage, Barking Dogs Never Bite, et j'ai une question, est-ce que vous avez vu ce film ? Non, des chiens qui aboient, j'en ai un, donc je le vois, mais j'ai pas vu celui de Bong Joon-ho. Et ben du coup, alors on va passer à la suite de sa biographie. Distribution et réception de ce film, un tout petit peu discrète, même si la critique, elle est plus. Du coup, le public de Bong Joon-ho commence à se former, il se construit petit à petit, et 2 ans après la sortie du film en Corée, le film est rentable, et du coup ça lui permet de commencer à travailler sur un film que toi Victor, je sais que tu as vu, Amaury, je suis pas sûre, Memories of Murder, sûr, qui oui, sort en 2003. Et là ce film c'est un gros succès, c'est le film le plus vu en Corée du Sud en 2003, l'année de sa sortie, et il va faire plein de festivals et succès commercial, et à partir de là, bah, c'est y part pour Bong Joon-ho. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de Memories of Murder? Très vite fait, parce que c'est pas une critique de Memories of Murder. Est-ce que c'est le premier film de Bong Joon-ho que vous avez vu déjà? Non. Non. Non, moi non plus. Ah, du coup, c'est pas le film qui vous a introduit à lui? Ah non, non, non, mais... J'ai surtout vu le contexte. Et du coup, Memories of Murder, de quoi ça parle? Parce que moi, je l'ai pas vu. Alors, j'ai très envie de le voir. C'est inspiré d'un fait divers horrible qui a eu lieu en Corée du Sud, et on va suivre en fait deux inspecteurs qui vont enquêter sur un meurtre dont l'acteur de Parasite Song Kang-ho, et ils vont avoir beaucoup de mal à trouver le crimier. Putain, ça se voit que t'as été voir la cité de la peur hier. C'est dangereux, mais c'est du même genre. Mais en fait, si tu veux, Memories of Murder, c'est un succès au point que là-bas en Corée, on a tendance à dire que c'est leur Seven à eux, en fait. Bah ouais, c'est... Et d'une autre manière, je pense que le film a aussi précédé Zodiac de Fincher. Ouais. C'est, on retrouve les mêmes, la même structure, la même longueur, la même fin qui glace le sang. La même la même manière de changer les tons, en fait. Enfin, l'audio, c'est un peu comme Jake Gyllenhaal et Mark Ruffalo et Robert Downey Jr., où c'est un trio qui est assez atypique, où aucun personnage n'est pareil, bah là c'est pareil, et c'est, ça se voit dans le film en fait, où on a une ambiance très, dans Memories of Murder, on a une ambiance très crasse, l'image elle est pas propre et tout, on est très mal à l'aise en fait en regardant le film. Il y a de la pluie. Et pourtant, il y a du burlesque dans ce film. Il y a du burlesque, les scènes d'interrogatoire qui sont hyper étouffantes, anxiogènes et tout, et ben là, Elles sont, les flics s'emportent, ils se battent comme si ils étaient dans des films de Jean-Claude Van Damme. J'adore déjà. T'es très étonné de voir ça, et pourtant t'es quand même, tu rigoles, mais en même temps ça te glace le sang. Et pourtant ça se termine, la fin est une des plus sombres qu'on ait jamais vues dans le genre, quoi. C'est vraiment une fin d'un pessimisme fou qui glace le sang. Du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est ça? Ouais, ce que je disais, mais c'est Bong Joon-ho, il excelle dans le mélange des genres et des registres. Il va te faire un film, Memories of Murder, et tu dis, il va y avoir du burlesque, et ça va être drôle et tout, et après, il va te faire Parasite, où il y aura de l'horreur, du thriller, de la comédie, du drame, enfin, c'est fou ce qu'il sait faire. Quel est le premier film que vous avez vu de Bong Joon-ho, le film qui vous a introduit à sa cinéphilie, sa cinématographie? Snowpiercer, que j'ai découvert en salle. Snowpiercer, adapté d'une BD française, Cocorico. Et ouais, toi, Amaury? Pareil, Snowpiercer, que j'ai vu à mes débuts d'études de cinéma. C'est un film prodigieux. C'est un film exceptionnel, qui est aussi sur ce thème de la lutte des classes. Mais comme je disais tout à l'heure, en utilisant le train, quoi, plus encore que dans Parasite, Bong Joon-ho déploie vraiment ses talents de metteur en scène. Il est très très fort pour raconter visuellement les histoires. Les scènes où il court, on en parlait tout à l'heure, là, Luc Pascalino qui se met de torse à poil et qui trace sur les gardes. Et c'est scène de la garderie. Moi j'ai toujours vraiment la scène que j'ai quand j'ai vu le film, j'ai vu le film en salle. Et c'est vraiment la scène où je me suis dit, waouh, c'est chaud. Pas en cacahuète. C'est chaud. Dit. Plus on avance dans le train et plus on est dans des lieux riches, en fait. Et, ouais, même à l'image, tu vois que ça change, ça devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré et tout. Il y a des travelling dans le film qui sont. C'est un film qui est tout en travelling, en fait. Ouais. De la même manière que Parasite est un film beaucoup plus en ralenti. Lui, il se sert du ralenti dans Parasite pour exprimer les moments clés les plus importants. Et à chacun de ses films, il a toujours une idée de mise en scène qu'il utilise avec brio. Memories of Murder, c'était plus le format, mais c'était la pellicule dont il se servait de la manière la plus crade possible pour montrer l'enfer de cette enquête. Et oui, c'est un très très grand metteur en scène. J'ai envie de revoir le transpersonnage maintenant. Okja, en 2017, sorti sur Netflix pour le plus grand plaisir de Victor, qui est aussi un film en langue anglaise, avec un casting full américain, que j'ai énormément aimé de par ces personnages qui sont super attachants et le casting évidemment qui est exceptionnel, avec encore une fois et toujours Tilda Swinton, ma reine. Est-ce que vous avez vu Okja? Je suppose que oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence, comme vous avez vu ces films en coréen, est-ce que vous trouvez, enfin moi j'ai vu que Parasite, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre ces films en américain faits par des studios, produits par des studios ricains, et ces films coréens? Alors, pour le Snowpiercer, je dirais non. Sachant que Snowpiercer, c'est une adaptation d'une BD, donc c'est pas vraiment lui qui l'a écrit, tu vois. C'est pas lui qui l'a écrit, mais sur la forme et sur le ton, oui, c'est lui. Oui, mais je veux dire l'histoire, lui. Le propos, oui, tout, mais même si c'est ce qu'il fait dans sa filmo, politique des auteurs, tout ça, et ben c'est pas, techniquement, le scénario, c'est pas lui, donc peut-être mais que c'est, le... c'est quand même... Non, mais je veux dire, peut-être que le studio avait plus à dire que... C'est son choix de l'avoir fait, c'est oui, mais c'est peut-être que la prod derrière, c'était différent qu'un film complètement écrit par lui, tu vois ce que je veux dire? Bah... Peut-être que les droits, tout ça, les trucs... Bah, je sais pas, parce que moi, justement, alors j'aime bien Okja, mais c'est son film le plus faible, je trouve, tout simplement, et là, ça va être hashtag vieux con... Parce que Netflix Non mais oui, c'est tout à fait ça, c'est parce que c'est sur Netflix. Mais est-ce qu'ils l'ont produit ou juste distribué? Je pense qu'ils l'ont produit, il avait besoin d'un casting, besoin d'un casting international. Et moi voilà, j'ai le souci que j'ai avec Okja, c'est comme n'importe quel film d'auteur qui a été produit et non distribué par Netflix, c'est qu'on sent vraiment le film algorithmique mort. Alors on ressent aussi la patte Bong Joon-ho, hein, il n'y a pas de souci. Toujours cette même ambivalence, toujours cette même lutte, toujours cette même, ce même plaisir pour les divertissements. Mais on voit que là, hein, il y a quand même quelque chose de plus forcé, peut-être dans les couleurs, dans le jeu des personnages, où on sait qu'on va faire des personnages pour faire des mèmes, on va prendre Tilda Swinton. Je trouve que justement c'était un peu avant avant que Netflix fasse vraiment des films pour faire des posts Instagram avec les scènes, tu vois. Après, tu vois ce que je veux dire? Parce que ouais, là ils font que ça. Je sais, je regarde une série en ce moment sur Netflix qui est très bien, The Society. Regardez, faites-lui des vues, je veux une saison 2. Et en fait, tu sens vraiment que même si c'est très bien, il y a plein de scènes qui reprennent exprès pour faire des posts Instagram, tu vois. Mais après, parce que là, franchement, c'est j'ai le seul souvenir, tu vois, que j'ai d'Okja, c'est peut-être la scène où la scène du tunnel où ils embarquent Okja pour qui est très rigolote, ouais, très fun et tout. Et le jeu de Jake Gyllenhaal, quoi, qui joue une espèce de Ned Flanders, il est animalier son personnage, qui cabotine. Joue tellement bien. Moi, je trouve qu'il joue très bien. Et je me dis, ouais, je regarde quand même Snowpiercer. Bon, après, je vais pas dire les autres parce que je les ai vus après The Host et Mother. Mais ouais, après, mais du coup, est-ce que je reviens à ma question de base, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les films produits américains et les films produits coréens? Moi, je dirais surtout sur Okja, en fait. En fait, la production américaine de Snowpiercer, pour moi, elle est totalement libre, mais est totalement différente de la production américaine Netflix. Ouais, je trouve que le fossé, il se voit sur Okja, que je trouve aussi un film assez mineur, enfin le plus mineur qu'il ait jamais fait, à mon avis. Enfin, j'ai quasiment aucun souvenir de ce film, si ce n'est sa fin apocalyptique pro-VG. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est un assez bon film pour enfants, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas pour la famille. Ah, pour Netflix, ouais, c'est cool. Pour la c'est famille, il y a un truc assez violent dedans. Hein. Oui, tu peux facilement le faire voir à des enfants. Je vous invite à le re-regarder, hein, parce qu'il y a des trucs chauds. Hein. Bah, à part la fin, à part hormis la fin. Il y a des trucs très. Tu montes ça un enfant, c'est level Bambi, écoute, quoi. Trop mort. Alors, pardon, je dis. J'excuse. Écoute voilà, non, mais, pardon, mais, les grosses têtes, quoi. Dans Retour vers le. Dans Indiana Jones 2, on voit bien des scènes où ils bouffent des yeux, ils arrachent des cœurs. Ah bah, c'est dégueulasse, j'ai pas dit le contraire. C'est dégueulasse, et pourtant les enfants, ils regardent. Mais j'ai pas, jamais dit qu'Indiana Jones 2 c'était un film pour alors enfants. Que Okja, pour moi, alors pour que Okja. Peppa Pig, c'est pour les enfants. Oui. Oui, mais je veux dire, c'est pas un film. Il faut un peu de violence. Il faut un peu de violence pour préparer au monde. Surtout pour le message qu'Okja présente. Oui, mais je trouve pas que c'est un film fait à destination des enfants. C'est peut-être tu peux le regarder avec plus grand public, plus peut-être grand public, plus alors. Que The Host, oui, par non, exemple. C'est pas un Disney. Mais oui, voilà. On n'en parle pas comme La Reine des Neiges 2. Voilà. Justement, bientôt. Tu parles de Disney. Pour moi, c'est peut-être ça qui m'a dérangé dans Okja. Il y a un côté un petit peu Disney. Un côté Netflix, voilà, surtout, qui m'irrite un peu, voilà. Mais moi, je trouve que autant Okja que Transpersonnage, c'est très c'est peut-être la barrière du langage et tout, parce que sachant que les castings sont pas 100% américains aussi, il va quand même mettre des acteurs qu'il aime bien coréens avec qui il a travaillé. Steven Yeun. Et non, mais même dans Transpersonnage et dans Okja, la gamine qui est full coréenne, qui parle coréen, qui parle pas du tout anglais et tout. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc les deux films américains sont, je trouve, beaucoup plus faits d'une façon peut-être beaucoup plus accessible, ou je sais pas, c'est plus grand public, mais les deux, tu vois, Okja autant que Transpersonnage. Ouais, tu vois, Transpersonnage, il y a un côté un peu action, blockbuster et tout, peut-être pas blockbuster, mais action, tu vois, et Okja, il y a un côté un peu film très grand public, quoi. Après, moi, sans retirer de leur qualité, évidemment. Je trouve que le cinéma sud-coréen, il est quand même très accessible, hein, au final. Oh, ça dépend. Hein. Ça dépend, bien tu sûr. Tu regardes mais les effets spéciaux de The Host, tu te dis oula. Non, mais The Host, tu peux quand même le faire voir à un large public. Oui, parce qu'il y a des gros monstres, mais je veux dire, voilà, propos et tout, tu ça, vois. A, voilà. C'est ça, des gros monstres, et c'est bien meilleur qu'un film comme Godzilla 2 qui a pas trouvé son public, par exemple. Je te permets pas de critiquer Godzilla en ma présence, même si je n'ai pas vu ce film. Je défendrai Godzilla jusqu'à ma mort. Mais moi, je trouve, en tout cas, sur le cinéma coréen, que de plus en plus, il se met à concurrencer Hollywood, en fait. Oui, mais j'adore le juste, déjà, Oldboy, la base du cinéma coréen, qui est exceptionnellement fou et reconnu dans tout dans le monde entier. Et là, je me suis fait un petit cycle cinéma sud-coréen parce que j'étais dans le mood de voir des films. Pour réviser l'émission, parce que tu fais tes recherches et tu fais exactement, bien ton travail. Exactement, je suis un bon élève de la salle 5, place 42. Mais je mérite la première place et pas la place 42. Je la réserve. C'est pour ça que l'émission s'appelle Place 42, parce que la numéro 1, elle est réservée pour toi. Wow, merci. Merci beaucoup. Ça me trop d'amour dans mais elle est réservée à vous trois aussi. Oh. Voilà, on se met à trois dessus sur chaque accoudoir. Et après cette digression, ouais, c'est que on se prend beaucoup un spectacle beaucoup plus généreux visuellement dans l'action et bien filmé en plus. C'est très lisible avec des films qui ont aussi des messages forts. Tu prends les films de Kim Ji-woon, enfin Le Bon, le Brut et le Cinglé, c'est vraiment une transposition du western avec un message politique amené à l'Asie, et ce que je trouve ça génial, enfin c'est vraiment un déluge de gunfight et tout. Le Bon, le Brut et le Cinglé, c'est merveilleux. Mais c'est comme on en parlait la dernière fois dans l'épisode sur The Dead Don't Die et le zombie, Dernier Train pour Busan. Mais oui, mais totalement. Ça prend le c'est un aussi genre, un train très... comme Saint-Pierre-Serre. En plus, tout est lié. Et où c'est vraiment le genre du zombie, où il y a tout le truc social, médium, zombie et tout dont on a parlé. Je vous invite à réécouter l'émission. Et c'est pas transposé, mais c'est utilisé pour vraiment... Enfin, tu sens vraiment l'impact culturel de enfin, tu sens que c'est un film coréen et que c'est pas juste un film coréen qui essaie de faire un film de zombies comme les Américains pourraient le faire, tu vois ce que je veux dire? Tu sens vraiment que c'est un Coréen qui l'a fait avec sa culture, son éducation, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a vécu, la politique de là-bas et tout. Et je sais pas où je vais avec cette phrase, donc Victor, je te laisse continuer. Alors oui, non, mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a vraiment une culture... qui s'impose, mais qui en même temps on privilégie un spectacle qui est ouvert au monde entier. Mmh. Et ça nous permet à nous, spectateurs occidentaux, de découvrir ça et de s'en prendre plein les yeux, et tout comme on a pu découvrir les westerns, les westerns américains. Et je trouve ça, moi vraiment, j'ai vraiment envie qu'on ait une meilleure exposition de ce cinéma là et je pense qu'avec le succès de Parasite, il y a grave moyen que les cinémas s'ouvrent de plus en plus, et ça va peut-être dire au public, bah tiens, on a kiffé Parasite, on peut très bien aller voir The Gangsters, The Cop and the Devil, on pourra très bien aller voir le nouveau film de Na Hong Jin qui va sort quand. Génial, ce mec. Et bon, c'est des films qui sont un poil moins accessibles parce qu'ils sont très très violents en général, mais qui pourront quand même, s'ils ont des salles, pourront trouver quand même un petit public. Mais il y a quand même à l'époque Mademoiselle aussi qui était sortie. Totalement. Je sais pas si ça avait bien marché en France. Ça avait bien marché. Mais il y a beaucoup de. Il y avait une petite hype quand même pour Parasite. Ouais. Mais les films en général, films coréens, t'as dit Parasite, les films coréens sont assez bien distribués par rapport à d'autres films d'Asie, genre les films japonais ou les films chinois, non. Bah, en fait, le truc, c'est que les mêmes auteurs. Par exemple, le film cinéma japonais, ça va être en général nouveau film. C'est toujours les mêmes, c'est les gens les plus reconnus, mais tu vas pas avoir un petit film un peu indé qui peut être très très bien et bah, là, en même temps, on peut pas tous distribuer. La boîte qui a distribué Parasite, The Jokers, ils vont sortir un film... je vais retrouver le titre, hashtag Google. Hashtag montage. Alors voilà, oui, c'est un film qui s'appelle, c'est un film qui s'appelle, alors, Face à la nuit, qui est une coproduction. Par Calogero, non? C'est vrai, il y a Passy, l'acteur principal, c'est Passy. C'est une production Taïwan, Chine, États-Unis et France. Ouais. Ah bah oui, il y a la France. Face à la nuit, Cities of Last Things. Et c'est en fait la vie d'un gars, trois nuits de la vie d'un gars. Ça a l'air complètement fou. Oh, c'est comme le film que t'avais vu, La nuit, quelque chose, il y avait nuit dans le titre aussi. Un grand film asiatique, trop bien, cette année, qui était Le Grand Voyage vers la nuit. Grand Voyage vers la nuit, voilà. En 3D. J'ai une très bonne mémoire. Il y avait nuit dans le titre. Il y a le sommeil pendant le film aussi. Merci Amaury. Quel est votre film préféré de Bong Joon-ho? Sachant que moi, j'ai pas vu The Host. Et je pense que c'est potentiellement mon préféré de lui, sachant que j'ai pas vu ce film. Mais parce que ça, il me vend beaucoup de rêves. Alors, très vaste question. Bah, c'est pas Okja, les transpersonnages déjà. C'est donc, pas voilà. Okja. Ça, c'est fait. Moi, tout de suite, c'est Parasite, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me suis jamais autant Oui, déjà, quand en normal, je m'amuse beaucoup chez lui, mais là, Parasite, c'était au-dessus de tout. Vraiment, c'est la quintessence de son cinéma, oui. Et je trouve génial qu'il ait eu la Palme d'Or. Et ouais, vraiment, on le dit pas assez, mais c'est tellement bien. Je dirais Parasite aussi. Pas Memories of Murder, ni Mother. Memories. Mother, c'est. Il est très bien, Mother, mais j'ai pas eu l'effet. T'as pas eu les poils. Oui, voilà, les poils qui hérissent, Sonic. Et on revient toujours à lui, il lance nos pensées, est toujours présent, toujours parmi nous. Et oui, non, Parasite, parce que c'est vraiment un film somme de tout ce qui englobe le cinéma de Bong Joon-ho. Et là, il en a fait une synthèse qui prouve encore qu'il est, non seulement en plus d'être une synthèse, il y a plein de panache, d'action. Ouais, il y a des scènes de vire d'aventure. Quand je dis que j'étais sur le cul, genre le milieu et la fin du film, j'étais vraiment genre si tu m'avais demandé de bouger de mon siège, j'aurais pas pu, j'étais vraiment mais j'ai jamais été aussi choquée positivement parce que c'était extrêmement bien, mais genre de ce qui se passait, de ce que je voyais, de comment c'était filmé et mis en scène et tout, c'était fou. Enfin, c'est vraiment il y a peu de gens, je pense, qui peuvent le mettre en scène de cette façon et faire ce qu'il a fait. Donc du coup, Parasite. Parasite. Et ben. Et toi, Jade? J'en ai vu que 3, donc des 3 que j'ai vus, je pense Parasite aussi, même si j'aime beaucoup le transpersonnage de Okja, mais je pense aussi que ça a à voir avec le langage et le pays de production. Je trouve plus peut-être sincère quand c'est un film coréen d'un auteur coréen, que je me dis que peut-être les bails de production sont peut-être un peu moins crado, un peu moins vient dans notre pays faire des films, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, j'en sais rien, je m'avance beaucoup, tu vois, mais je préfère Parasite d'autant plus que c'est un scénario original de lui, et j'aime énormément voir la Corée filmée comme lui la filme, et c'est très joli et très bien. Du coup, je vais vous poser cette question. Il a un bagage du cinéma américain. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a gardé tout ce qu'il y avait de meilleur à Hollywood. C'est peut-être le passage Snowpiercer et Okja qui a fait ça, mais dans Parasite, il y a quand même un bon bagage, quoi. Je pense pas. Évidemment. Mais en même temps, forcément, la plupart des médias, peu importe où tu sois dans le monde, je suppose, c'est des médias américains. Du coup, forcément, tes références. Mais sauf que Bong Joon-ho les a dit, ses références, et c'est pas du tout des références. Oui, mais il a vu des choses qui forcément. Il a vu des choses, mais il a clairement dit. Est-ce que tu connais Bong Joon-ho personnellement? Mais j'ai lu ses interviews. Il a reçu la Palme d'Or, il a rendu hommage à Chabrol et à Clouseau. Voilà, c'est ça. Et c'est tout, parce qu'on retrouve. Encore une fois. On retrouve deux choses importantes de ces deux cinéastes. C'est déjà, vrai, en plus, en vrai, maintenant que tu le dis, j'avoue. Bah, par exemple, la cérémonie. La cérémonie de Chabrol, donc c'est le film avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Qui hack une femme, qui entre dans une famille bourgeoise. Homme jacking, encore une fois. Homme jacking, homme invasion, pour foutre le bordel. Et le dawa, on dit. Quoi ? On dit le dawa. Le dawa, si tu veux. Ou la dark, comme ça. Isabelle Huppert qui fout le dawa, si tu veux. J'adore cette phrase. Et. Faire un t-shirt. Et on retrouve aussi le cinéma de Clouseau pour l'ambivalence morale des personnages. Et aussi. C'est clair. Un petit truc que je trouve très amusant, c'est la campagne de Parasite a aussi joué sur le côté. Ouais, dis donc les gars, c'est bien, vous allez voir mon film, mais ceux qui l'ont pas encore vu, ne dites rien. Et c'est exactement ce qu'on retrouve à la toute fin des Diaboliques, où une fois qu'on apprend le fin mot de l'histoire, et ben on a un petit carton qui nous dit, franchement, c'est très cool. Spoilez pas. C'est très cool que vous soyez là, mais divulgachez pas mon film. Ouais. Signé. H.G. Clouseau. H.G. Tu nous manques H.G. Clouseau. Du coup, j'allais vous poser une question, mais on y a un peu répondu tout le long de cette émission. Est-ce que vous recommandez Parasite? Non. Oui. Franchement, non. Vous faites pas chier, allez le voir. Allez voir Godzilla, plutôt. Ah bah oui, carrément. Et X-Men, Dark Phoenix. Ah bah oui, c'est tous ces grands films. Non, mais oui, surtout évidemment. Pas vraiment. De tout ce qu'il y a à l'affiche en ce moment, Parasite, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Franchement, ouais. Oui, clairement. Donc, allez voir. Et c'est clairement ce qu'il y aura de mieux cette année. Et c'est clairement une des meilleures choses que j'ai vues de Bong Joon-ho, mais je vais regarder The Host très bientôt et je vous dirai ce que j'en ai pensé, d'autant plus qu'il y a une actrice que j'aime beaucoup en rôle principal. Qui est donc cette actrice? Doona Bae. Ah, qui a joué génial. Dans un autre film coréen que je vous recommande. D'ailleurs, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu me parlais de une histoire de famille où il recueille une fille et tout. Elle a joué dans un film qui s'appelle A Girl at My Door et qui est exceptionnellement bien. Je sais absolument pas c'est qui le ou la réal parce que j'ai totalement oublié et c'est un film un peu indépendant, mais je vous le conseille. Et Doona Bae, elle avait aussi joué dans un film coréen distribué chez nous qui s'appelait Tunnel. Et elle a aussi joué dans des films de Park Chan-wook. Et ça faisait partie de ce que je préférais, moi, dans le film. C'était vraiment la performance très émotive. Et j'adore cette actrice, c'est génial. On fera une émission sur elle. Si, pour prolonger l'expérience Bong Joon-ho, je recommande un film qu'il a co-écrit. Oui. Qui s'appelle Sea Fog. Je ne l'ai pas vu. Que je me suis pris une belle baffe quand je suis allé le voir. C'est un film qui se passe dans un bateau. Mais il n'y a pas Leonardo DiCaprio ni Kate Winslet. Dommage. Et il y a question de mutinerie, de mort, d'équipage en colère et tout. Et c'est chamé, chamax. Et ben, on vous recommande aussi toute la filmo de Bong Joon-ho. C'est long, comme c'est court, si vous avez accès à ces courts-métrages. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais merci Victor, j'adore ce titre. Ce sera aussi sur un t-shirt. Merci à vous autour de cette table d'avoir été présent, d'avoir ouvert la salle. Merci avec à toi, pour parler de Parasite et de notre cher Bong Joon-ho. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur iTunes, sur toute autre plateforme de podcast qui existe, sur notre site que vous pouvez retrouver sur notre Twitter, je fais toutes les pubs en même temps, et sur Facebook aussi, parce qu'on est sur Facebook des fois quand j'oublie pas de publier. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine émission. Au revoir. Salut. Salut.